Exercice 2. En plein cœur de l'île de la Cité, à 5 minutes à pied du Louvre, de Notre-Dame, de la Conciergerie et du Quartier Latin, l'hôtel Madame de Pompadour vous accueille dans un cadre raffiné, inspiré du XVIIIe siècle. Nous vous offrons nos soirées musique classique le vendredi et jazz avec chanteur le samedi. Vous pouvez aussi profiter de notre piscine thermale ou de notre restaurant classé une étoile au guide Michelin. Pour plus de renseignements, vous pouvez visiter notre site internet à l'adresse www.hotelpompadourparis.fr.